Le Robinson suisse. Ou histoire d'une famille suisse naufragée. De Johann David Wyss. 1812, édition 1870. Note sur l'auteur. Johann David Wyss est né à Berne en 1743. Pasteur à la collégiale de Berne, il est l'auteur du Robinson suisse, l'un des plus célèbres romans écrits à l'imitation du Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Johann David Wyss conçut cette histoire pour la raconter à ses enfants. À la différence de Daniel Defoe, le naufragé de Wyss n'est pas jeté seul sur une île déserte. Il parvient à sauver sa famille du naufrage. Ce sera alors l'occasion pour le père de prodiguer à ses enfants de sages conseils. Le Robinson suisse fut publié par le fils de Wyss, Johann Rudolf, professeur de philosophie à l'Académie de Berne. L'ouvrage fut traduit en français en 1824 par la baronne de Montolieu. Préface. Moins populaire que le livre de Daniel Defoe, parce qu'il n'a pas servi à l'amusement et à l'instruction d'un aussi grand nombre de générations, le Robinson suisse est destiné à prendre place à côté du Robinson anglais lorsqu'il sera mieux connu et que la haute idée morale qui s'y trouve, si dramatiquement développée, aura été plus sérieusement et plus fréquemment appréciée. Daniel Defoe n'a mis en scène qu'un homme isolé, sans expérience et sans connaissance du monde, tandis que Wyss a raconté les travaux, les efforts de toute une famille pour se créer des moyens d'existence avec les ressources de la nature et celles que donnent au chef de cette famille les lumières de la civilisation. Les personnages eux-mêmes intéressent davantage les jeunes lecteurs auxquels ce livre est destiné. Ce sont comme eux des enfants de différents âges et de caractères variés qui, par leur dialogue naïf, rompent agréablement la monotonie du récit individuel, défaut que l'admirable talent de l'auteur anglais n'a pas toujours pu éviter. Le style de Wyss, dans sa simplicité et dans la puérilité apparente des détails, est merveilleusement approprié à l'esprit de ses lecteurs. Un enfant, dans ses premières compositions, ne penserait pas autrement. Prier Dieu, s'occuper des repas que la prévoyance de ses parents lui a préparés, se livrer à des amusements variés, n'est-ce pas tout l'emploi du temps de l'enfance? C'est là, n'en doutons pas, une des principales causes du vif plaisir que procure la lecture du Robinson suisse, même à des hommes faits qui ne s'en sont jamais rendus raison. Il est cependant un reproche qu'on peut adresser à Wyss et que ne mérite pas son devancier. Robinson, dans son île, ne trouve que les animaux et les plantes qui peuvent naturellement s'y rencontrer d'après sa position géographique. Wyss, au contraire, a réuni dans l'île du naufragé suisse tous les animaux, tous les arbres, toutes les richesses végétales et minérales que la nature a répandues avec profusion dans les délicieuses îles de l'océan Pacifique. Et cependant, chaque contrée a sa part dans cette admirable distribution des faveurs de la Providence. Les plantes, les animaux de la Nouvelle-Hollande ne sont pas ceux de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti. Le but de l'auteur a été de faire passer sous nos yeux, dans un cadre de peu détendu, les productions propres à tous les pays avec lesquels nous sommes peu familiarisés, ce qui excuse en quelque sorte cette réunion sur un seul point de l'océan de tout ce qui ne se rencontre que dans une multitude d'îles diverses. Les descriptions n'ont pas toujours l'exactitude réclamée par les naturalistes. Dans quelques circonstances, la vérité a été sacrifiée à l'intérêt. C'est pour ne pas nuire à cet intérêt que nous n'avons rien changé aux descriptions, quoiqu'il nous eût été facile de les rectifier. Mais combien ces tâches ne sont-elles pas effacées par les leçons admirables de résignation, de courage et de ferme persévérance qu'on y trouve à chaque page. Vouloir, c'est pouvoir, a-t-on dit. Jamais cette maxime n'avait été développée sous une forme plus heureuse et plus dramatique. Robinson avait déjà montré, il est vrai, comment on parvient à pourvoir aux premiers besoins de la vie solitaire. Ici, dès les premiers pas, ces cruelles nécessités n'existent plus. Ce sont les jouissances de la vie sociale qu'il faut satisfaire, et les persévérants efforts des naufragés pour arriver à ce but obtiennent un tel succès qu'ils parviennent même à se créer un musée. Comme dans son modèle, à chaque page, vise à semer les enseignements sublimes de la morale évangélique. Tout est rapporté par lui à l'auteur de toutes choses, et l'orgueil humain est constamment abaissé devant la grandeur et la bonté de Dieu. L'ouvrage a été écrit par un auteur protestant, mais avec une telle mesure qu'il a suffi de quelques légères corrections pour le rendre tout à fait propre à des lecteurs catholiques. Wyss a cru devoir se dispenser d'entrer dans des détails d'avant-scène. L'action commence au moment même du naufrage, et semblable à un auteur dramatique, il ne nous fait connaître les acteurs que par leur langage et leurs actions. Ainsi que lui, nous renvoyons à la narration le lecteur qui sera bientôt familiarisé avec les personnages. Friedrich Müller.